consoler mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Aujourd'hui, la fête que nous célébrons du baptême du Seigneur nous est donnée d'être célébrée sous l'angle de la consolation. L'Église nous présente le baptême de Jésus comme une marque de la consolation de Dieu pour son peuple. Quand est-ce qu'on a besoin d'être consolé? Eh bien, vous, ceux qui ont des petits-enfants le savent un peu. Quand un enfant se cogne, quand ça ne marche pas, quand il n'y a rien qui marche, eh bien, c'est dans ce temps-là qu'il a besoin d'être consolé, c'est dans ce temps-là qu'il a besoin des bras de maman. Eh bien, Dieu veut nous consoler, spécialement quand ça ne marche plus, quand rien semble fonctionner, quand je ne sais pas trop ce que je veux, quand je tourne en rond, quand même il me semble que j'ai tout gâché. À ce moment-là, le Seigneur vient me rencontrer, me porter sa consolation. La première lecture est tirée de l'Ancien Testament. À un moment où le peuple avait grandement besoin de consolation parce qu'il était en exil, il avait été déporté loin de sa terre, son temple avait été détruit, ses chefs emprisonnés, certains même tués, et il n'y avait apparemment plus d'avenir pour ce petit peuple. Mais le Seigneur a envoyé son prophète dire à ce peuple, à l'agonie, « Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que son crime est pardonné. Quand même le malheur dans lequel tu te trouvais est de ta faute, même dans ce cas, tu as droit à la consolation. » Ce que le Seigneur a dit pour le peuple il y a 2500 ans est encore vrai aujourd'hui. Et la réponse, donc à cette époque-là, le Seigneur a envoyé entre autres Cyrus, un chef païen qui a été beaucoup plus bienveillant envers le peuple et qui lui a permis de rebâtir Jérusalem. Mais Dieu, ce Cyrus n'était qu'une figure du vrai consolateur, du vrai Messie consolateur, et c'est ce Jésus qui est la vraie grande figure, le vrai berger qui console et conduit son peuple. Dieu a envoyé ce Jésus et il s'est lui-même mis au rang des pécheurs. Il a fait la file comme les autres. Ici, des fois, on voit qu'il y a une file pour le confessionnal. Eh bien, au temps de Jean-Baptiste, il y avait la file pour se laisser plonger dans l'eau du Jourdain pour se reconnaître pauvre et pécheur. Et Jésus, même s'il était sans péché, s'est mis dans cette file, s'est laissé plonger dans cette eau du Jourdain, s'est laissé relever. Et il a prié ensuite, nous dit le texte, et c'est alors que le ciel s'est entrouvert et que le Père a prononcé sur lui, « Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » D'autres traductions, d'autres diront, d'autres évangélistes, « Tu es mon fils, voici mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. » Alors, cette semaine, je vous propose, d'une part, de vous laisser consoler par Dieu, de vous replonger dans votre baptême, parce que vous aussi, si vous êtes ici, pour la plupart, vous avez été baptisés, ou certains s'y préparent. Donc, de vous replonger dans votre consolation, dans cette consolation que Dieu veut pour vous. Il veut redire ici à chacun présent, « Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, c'est moi aujourd'hui qui te régénère. » C'est important de se laisser régénérer parce qu'il y a toutes sortes de choses dans la vie qui nous épuisent, qui nous fatiguent, qui nous brisent même. Eh bien, quand on est fatigué, épuisé, brisé, il faut avoir du consolateur. Et le consolateur, c'est Dieu lui-même, et c'est entre autres son Esprit Saint au baptême. Pour plusieurs, vous en souvenez pas, vous êtes petits. Mais ici, il y a eu un baptême ce matin, et il y a encore au baptême le vase pour l'eau, mais aussi le Saint-Crème. Et c'est une huile, lorsque l'enfant est baptisé, on lui fait une onction d'huile, une huile parfumée, bénite par l'évêque, parfumée et consacrée au Pâques. Et de façon que l'huile pénètre doucement et adoucit la peau sèche. Ainsi, l'Esprit Saint veut-il pénétrer mon âme et l'adoucir, même si elle est sèche, l'attendrir. Eh bien, je nous invite aujourd'hui à invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne attendrir ce soir nos âmes sèches. Et une fois consolés par Dieu, Dieu nous envoie pour les consolateurs des autres. Saint Paul dit justement, restez par Dieu, nous, à notre tour, réconforter les autres. Porter un autre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème, mais c'est quelqu'un qui est déjà un peu réconforté par Dieu et qui se dit, je vais aller aussi porter cette consolation à mes frères et sœurs. Ce qui nous console, comment concrètement essayer de consoler nos frères et sœurs? Je vous propose peut-être 4 moyens. La parole de Dieu, la Bible, justement, nous propose un premier moyen, celle que Jésus lui-même reçoit, c'est la parole bienveillante console. Si on était un petit peu humilié ou même calomnié ou etc., la parole d'un frère ou d'une sœur qui nous relève, qui nous réconforte, comme un baume, qui nous dit « Ne t'inquiète pas, le Seigneur est là, c'est pas vrai que tu as juste des défauts, etc. » qui nous conforte, qui ramène un peu de réalité, de réalisme bienveillant. Donc, je nous invite cette semaine à essayer d'être un baume par la parole pour les autres. La parole, donc, premier moyen, une fois consolé par Dieu, d'être consolateur pour les autres. Deuxième moyen, cette fin de semaine, on a beaucoup parlé des funérailles de l'ancien maire de Québec, M. Lallier. À l'occasion des funérailles, souvent, on voit un geste de consolation très spontané que les gens font. Question? Vous êtes timide, je vous entends pas. On offre les sympathies, ça c'est la parole, mais souvent aussi, hein, on va faire une accolade, spécialement quand c'est une mort subite, violente, les gens vont se taire et se serrer, dépendamment des cultures. Ce langage-là du contact physique va être plus ou moins spontané, des fois les pays du Nord sont un petit peu moins, sont un petit peu les manteaux d'hiver, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais... Les accolades, des fois, sont moins spontanées. Les gens des pays plus chaleureux, ou je pense à nos amis italiens, en sont bien chaleureux et forts pour faire des accolades très belles et simples, sans arrière-pensée, évidemment. Les accolades pour se réconforter ou une bonne poignée de main. C'est aussi le geste de la maman pour l'enfant, quand l'enfant est cogné. Mais c'est aussi un geste qu'on peut avoir entre nous dans des... juste circonstances, des accolades ou une main sur l'épaule, etc. Donc, premièrement, la parole consolatrice. Deuxièmement, les accolades ou les touchés bienveillants, réconfortants, qui redonnent de la force. Troisième moyen pour réconforter... spécialement des fois quand il semble qu'on a tout cassé, tout échappé. Par exemple, je viens de faire une gaffe, je viens d'échapper à un pot de fleurs, tout est répandu en 1000 morceaux. Eh bien, que quelqu'un se penche avec moi pour ramasser, pour reconstruire ce que j'ai cassé. Qu'il m'aide par le service, finalement, à reconstruire ce qui était abîmé. Donc, je nous invite aussi, cette semaine, peut-être, à voir, est-ce que je peux pas, avec mes mains, ou par contrefaçon, aider l'un ou l'autre à construire ce qu'il a peut-être abîmé ou ce que quelqu'un d'autre a abîmé pour lui. Donc, trois, s'abaisser par le service pour aider l'autre à se reconstruire. Un quatrième moyen que je vous propose simplement, c'est d'être présent. Parfois, ce n'est pas tant de faire quelque chose qui nous est demandé. On est très impuissant. Parfois, ce n'est même pas par. Des fois, spécialement face de grâce ou de maladie ou de mort ou d'agonie, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être là. Simplement être là, peut-être saisir la main, mais d'être là en silence, d'aimer en silence, de souffrir peut-être en silence avec l'autre. Eh bien, tous ces moyens, Dieu les a pris envers nous. Par la parole de Dieu, il nous console en nous. Par nos frères et sœurs chrétiens, c'est Dieu qui veut nous donner une accolade. Et même par le toucher, il vient nous toucher par l'Eucharistie. Le pain de vie qu'on va recevoir, c'est le baiser de Dieu, son baiser consolateur qui veut venir en nous. Et parfois, sa grâce, très mystérieusement, Dieu donne de sortir même physiquement, qui nous entoure, qui nous pénètre doucement par sa grâce, sensiblement. Aussi, Dieu nous rend combien de services, on ne peut plus les calculer, des services, il nous a rachetés de nos péchés. Il a embarqué sur la croix, il s'est mis à genoux à ma place pour me relever. Et enfin, il est présent. Partout où je suis, la dernière phrase de l'évangile de Matthieu, c'est « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Bien, frères et sœurs, demandons aujourd'hui cette consolation de Dieu pour nous. Donc, c'est votre défi de cette semaine. On demande que Dieu nous console. On a le droit de le demander à Dieu. « Console-moi, Seigneur, je suis éprouvé. Console-moi, réconforte-moi. » Tout ça, c'est pas juste pour la déborde, Seigneur. Donne-moi de cette semaine réconforter les autres, que ce soit en parole, que ce soit en service, que ce soit en présence, que ce soit en toucher bienveillant. Prions ensemble l'Esprit Saint, consolateur, l'Esprit de notre baptême, qu'il réveille dès maintenant en nous la consolation de Dieu, qu'il réveille dès maintenant notre vocation, notre appel à consoler tous ceux qui nous entourent. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout seul, tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu